بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عليك كتاب طيب. أولا، ما معنى أقدام؟ نعم، ما معنى ظهور؟ حيوانات، تعب، فاتيغ، تقدم، يتقدم، s'avancer. S'avancer. Avec une finance. Le fait de, d'avancer de là. Et dans le texte, c'est quoi? Dans le texte, c'est. تقدمت وسائل السفر. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ils ont évolué. نعم. أخذ يأخذ. Prendre. بريّة. Terrestre. بحرية. Maritime. راحة. Repos, confort. وسائل. Les moyens. ما هو المفرد؟ وسيلة. وسيلة. كان يكون. Être. Il est. Il était. يكون. Quand on dit كان يكون, on dit être. D'accord. نعم. C'est là l'asl al-fi'l, l'origine du verbe. طيب. سنجيب الأسئلة. افتح. أولاً. كيف كان الإنسان يسافر قديما؟ اقرأ جواب. كان يسافر من بلاد إلى بلاد ماشيا على الأقدام أو راكبا على ظهور الحيوانات. حيوانات. طيب. ثانيا، لماذا كانت الرحلة تأخذ وقتا طويلا؟ لأن قديما ما كان وسائل في هذا الوقت حذر. عيد. لأن. لأن قديما ما كان. لكل لأنه. لأنه. نعم. ما كان وسائل. En fait, tu vas dire ma canette et le wasa'il. La wasa'il, il fait office de sujet. On n'appelle pas sujet en arabe, mais il fait office de sujet. Donc, wasa'il, ça dit ma'il aqil. Donc, c'est comme un féminin mufrad. Donc, ma canette et le wasa'il. Ma canette et le wasa'il. Allez. Ma كانت الوسائل. الوسائل. الوسائل في هذا الوقت حاضر. C'est quoi que tu veux dire? En fait, je voulais dire parce que. Il n'y a pas les moyens maintenant. Avant, il n'y avait pas les moyens de maintenant. Ma كانت الوسائل. طيب. لأن. مثل الآن. C'est comme tu dirais. Comme actuellement. Comme maintenant. لأنه le revient à quoi? Il vient en voyage le roux, il est annahu parce que. Il est annahu. J'ai dit, il est anna, quand il est mal, tu m'as dit, il est annahu. Et le roux, en fait, il revient. Il revient à la réponse, il y a entièrement. Ah, d'accord. Taïf, l'annahu, ma kanat al-wasa'ilu, mithl al-an.

Donc Ibrahim et Selim sont allés, se sont rendus ensemble au centre de la poste. La poste centrale, en fait, on dira. Merkazi, tu vois, c'est le lieu principal. Mais Ma'an, c'est... Ensemble. On entend souvent Ma'an. Donc, tu peux l'entendre, ouais. Non, Mafoum el Nas. أولاً عجيب الأسئلة الآتية. ريبون كاسيون سوفونت. هذا سيكون لغد إن شاء الله كذلك. أين قابل إبراهيم صديقه سليماً؟ هو اسك إبراهيم rencontré son ami سليم. ثانياً لماذا ذهب سليم إلى مكتب البريد؟ Pourquoi est-ce que سليم est allé à la poste؟ ثالثاً لماذا ذهب إبراهيم معه؟ Pourquoi est-ce qu'Ibrahim est allé avec lui؟ رابعاً لماذا لم يضع سليم رسالته في صندوق البريد؟ Pourquoi est-ce que Selim n'a pas mis sa lettre dans la boîte aux lettres؟ Et كما قلت كما تعرفون قد يكون الجواب في النص الأول. Il se peut que la réponse soit dans le premier texte également. هكذا. ثالثا اكتب النص السابق في كراستك. فسي اوكوبي التكست اوكي. دونك الحمد لله اليوم استفدنا من قاعده جديده ونا بري نوفيل ريغل في النحو que le verbe qui a un signe de rof qui est un nun comme تفعلين او تفعلان او يفعلان او يفعلون تفعلون lorsqu'il est mansoub, comment ça, c'est quoi son signe? On enlève le nun. Et que celui qui a un nun niçois, le nun qui est à la fin, le verbe il ne change pas, il est même ni, comme on dit en arabe, même ni, qu'ils disent invariable. Quand il est même ni, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Après, Inch'Allah, il y aura plus de détails dans notre livre. Mais en tout cas, pour prononcer, c'est important. Toi, ne dis surtout pas Yuridan an yadhabani. Ça, c'est énorme. Ah, c'est une grosse faute. Et c'est ça qu'il veut t'apprendre. Il ne veut pas t'apprendre le nahou lui-même. Mais ça, c'est des formules que tu emploies tous les jours en parlant. Donc, il faut bien la faire. Comment t'as dit la faute, la yursila? Yuridan an yadhaban, ou yuridun an yadhabuna. Ne dis pas ça. Il rigole sur toi, quoi, les gens. Celui qui a pris le nahou, il va voir que t'as une faiblesse, quoi. Mais celui qui n'a pas pris, il va entendre ses. Pas forcément. Pas forcément. Celui qui ne connaît pas, il ne sait pas. Tu dis un afi beytoun, ça ne va rien lui faire. Celui qui n'a pas pris le nahou, qui ne fait pas attention à ça, ça ne va rien lui faire. Ah ouais. Voilà. Mais celui qui a appris, il va dire ça, c'est faux. Non. Puis Souhel. Là. Fanaktafi bi'ada. On a cool. Alhamdulillah bil alamin.